séparées, les fées prennent la direction du château. Jamais elles ne se sont senties aussi légères. Le zéphyr, un peu plus doux, est chargé des senteurs de la terre. Dans le ciel ardoisé, les étoiles s'allument une à une et les premières pipistrelles entament leur rituel ballet nocturne. Bientôt, les fées dissimulent leurs ailes pour emprunter la grande allée. Le bruissement de leurs pas sur le gravier est à peine perceptible. Devant le château, les convives se pressent autour d'elles avec des mots de bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Sur le perron, bonsoir. Le marquis et la marquise les accueillent à bras ouverts. Puis ils entraînent leurs invités dans la salle de bal.